Le jukebox fleur du chagrin, les chansons des câlins, un hymne à la douleur. Mais ton retire fond des flottes, un peu plus que tienne encore une heure. Avant que je me fonde sur ton cœur, cœur, cœur, cœur, cœur, cœur, ne m'en veux pas, Louis. Si par mes gadgets de jeu ta chemise. Je te jette ta chemise.